chérie, jour bien aimé, c'était un jour soleil. Nous tellement connaissons que mon ici de me fouille pour chou dans sac bagade yo pour songer chérie. Nous te fait seulement nous va quitter mon gars qui aime nous. Moi va ta jambe quoi chérie, puis aujourd'hui a moi ta gagne pour me dire quitter moi ou aller. Pour choisir la société oublier l'amour. La vie ou quoi dérouler, même gens tous les jours. Sans surprise ni que sauter. Quittez-moi tomber, sans connaître si moi solide pour me résister. Sans connaître si c'est sous où m'te appuyé. Racine t'es guettant poussé. T'es qu'on ouais, on pas jamais tombé l'anger, c'est normal. Nous t'as le fait, on t'y danse, c'est la danse que courant vini passer. Et depuis la salle, canapé palais. Pas plié, qu'un musique, cap toujours met de l'eau l'ange, qu'il y a des moments, moi, su cap toujours maqué, place ou toujours là, tout ne l'est ouvré. Quittez-moi tomber, sans connaître si c'est sombre, t'es appuyé, comme moi, moi senti que ma paix rachée, racine t'es guettant poussé. Racine t'es guettant poussé. Racine t'es guettant poussé. Racine t'es guettant poussé. Racine t'es guettant poussé. Racine t'es guettant poussé. Racine t'es guettant poussé. Racine t'es guettant poussé.